Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film avec Sophie Marceau, sélectionné au Festival de Cannes. Jeanne, plongée dans l'écriture d'un premier roman, constate des changements mystérieux autour d'elle et voit son corps se transformer. Son entourage ne semble pas s'en apercevoir. Troublée, elle découvre chez sa mère une photographie qui la met sur la trace d'une femme en Italie. Jeanne, désormais transformée, y trouvera la clé d'un étrange passé. Ces changements que vous voyez, vous pouvez m'en dire plus? Qu'est-ce qui a changé? Tout. Oui? Je vous écoute. Les couleurs, les objets. On dirait que la table est dans l'autre sens. Mais enfin, la table est comme ça depuis qu'on s'est installé. Mais c'est quoi ces gestes, ces mines là? C'est quoi? On dirait que mon mari me manipule avec mes enfants. Jérémy, tu mets ta main sur la table! Mais t'es folle ou quoi? Ouais, bien sûr. Je suis folle. Si vous avez voulu voir un psychiatre, c'est bien que vous pensez que le problème est en vous. Je reconnais plus rien, même mon visage. C'est extraordinaire ça quand même. Monsieur Garche, c'est difficile, je m'en doute, mais là il s'agit de comprendre sans juger. Vous pouvez me laisser seule avec votre femme? Il y a quelque chose qui m'échappe. Ou alors tu me dis pas tout. Ne te retourne pas. Un film troublant de Marina Devan, sélection officielle du Festival de Cannes 2009 avec Monica Bellucci et Sophie Marceau. Un DVD Whiteside.